Donc voilà, écoutez la collaboration que je voulais vous faire entendre un petit bout. Donc je vous mettrai peut-être l'ensemble de la chanson sur Facebook là, pour ceux qui étaient vraiment dans la chanson. Je suis désolée de l'avoir coupé ainsi. Donc bon, là on lâche le reggae, l'électro-rock et on s'en va retrouver Chloé avec des sons qui seront plus techno-minimal et féminins. Je vous rappelle que vous écoutez Électro-Tactile, yes, en latin de C'est fou 89.1. Donc, on se laisse avec la merveilleuse Chloé et on s'en reparle tantôt. Salut! Oh,